tragique réalité. À ce moment, Natividad prenait congé du marquis et ouvrait la porte du bureau. Il recula soudain avec une exclamation étouffée. Un corps, soutenu par la porte, venait de s'allonger sur le carreau du magasin, et ce corps était le cadavre d'un Indien. Marie-Thérèse, qui le reconnut la première, tomba à genoux. « Non, non, Raymond, s'écria-t-elle, nous n'avons pas fait un rêve. » Et elle pleura sur Oscar, qui s'était traîné jusqu'à ce seuil d'où elle l'avait chassé, et qui mourait, un couteau dans le cœur. Épilogue. Il faut à cette histoire un épilogue, à cause que nous n'avons pas eu l'occasion de reparler, dans le dernier chapitre, d'Oviedo Huanacruntu, ex-commis de la banque franco-belge de Lima, dernier roi des Incas. Après 1000 aventures mystérieuses dans les Andes, que nous raconterons peut-être un jour où la police du bon Natividad le traquera, lui et tous les Indiens qui avaient soutenu la révolte de Garcia, Oviedo Runtu demanda à traiter. Il eut la vie sauve, à condition qu'il incitât les derniers rebelles à faire leur soumission. Condamné par un tribunal militaire à l'exil perpétuel, l'astuce de Natividad lui valut la grâce et ce fut encore l'ancien commissaire de Callao qui lui procura une place à Puno, dans une succursale de la banque franco-belge. Là, Natividad put surveiller tous ses gestes à loisir et constater qu'il ne faisait plus rien pour ressusciter le merveilleux Raimi. Oviedo Runtu mourut fort bourgeoisement après avoir épousé une dame de Lima qui avait fait le voyage du lac Titicaca pour voir le dernier roi des Incas. Ils se marièrent et les voyageurs qui passaient par Puno et auxquels on montrait le couple royal souriaient quand on leur disait que le roi gagnait, derrière le grillage de son administration, 150 sols par mois. Un jour que l'on s'amusait du petit train de maison de la veuve du roi, que l'on nommait par dérision la Quaya, celle-ci raconta que, s'ils avaient voulu, ils auraient été les époux les plus riches de la terre. Mais les trésors des Incas, disait-elle, appartiennent aux morts et aux dieux, et il est défendu d'y toucher. Alors on lui demanda si elle les avait vus, ces trésors. Elle répondit que son mari les lui avait montrés, et elle raconta des histoires fabuleuses sur les richesses du temple de la mort, que personne naturellement ne crut. Ainsi, personne ne croyait les soldats de Pizarre quand ils racontaient qu'au Pérou, ils feraient leur cavalerie avec des fers d'argent.